toujours la vie qu'on aime. On fait souvent ce que faisaient nos parents. On se laisse doucement porter par le courant. On avance clopin clopin dans ce grand guet-apens. On choisit pas toujours. Choisis pas toujours la vie qu'on aime. On cherche tous les jours la sortie de secours, prisonnier des bons jours, du thé, des petits fours. Alors debout au carrefour, on regarde cette vie avec humour. Pas toujours. Choisis pas toujours la vie qu'on aime. On voudrait tout laisser, décrocher, dévisser, pouvoir tout inverser, mais le cerveau est ankylosé. On reste là hypnotisé, sans force désabusée. On choisit pas toujours la vie qu'on mène. On choisit pas toujours la vie qu'on aime. Toujours la même chanson, on reste collé au plafond. On a l'impression d'avoir plus de munitions, d'être en livraison. Si à la maison, on choisit pas toujours la vie qu'on mène. On choisit pas toujours la vie qu'on aime. Où sont partis tous nos rêves? J'aurais pu être Adam et toi Ève. Refait le monde, vagabond et vagabond. N'aurait plus de strapantin, pas de fauteuil et des coussins. On choisit pas toujours la vie qu'on mène. On choisit pas toujours.